René m'amène Mouriston. Ouais. Belinda m'amène Mama Bana Mouriston. Le rire devant de tes caresses, inondé par la tendresse, le cas tout cas, y'a les seraphs, amitié, un sentiment, juif, amouissant, et un bienfait de plus, la montée maranga cardiopathe. Le territoire est protégé contre la catastrophe à Bilingué. Madame Ouvel à Cameroun, à Caroline, on a les Aliaway. L'amour s'allume comme un feu dans la vie. Lumière de l'amour, c'est la plus magique de mon passant. Colère de l'amour, c'est le charme à la perte d'amour. Et ton regard de ton amour, au milieu de mes larmes d'amour. Le vent chaud de l'amour, déjà contenu ça, Mali mon anglais, et enflammé dans nos témoins, un barré au soleil, un billet. Il va les amours innocents, ma beau fils amour, ce que je veux c'est du vrai, ce que me faut c'est du vrai, ce que je trouve c'est du vrai, ce que je t'en fais du vrai. Binette Biansouka, la Sénégalaise, Mouy Mouela, Général Maurice Biansouka. Colo qui s'en va la part à Batomina. Nous vivons coup d'envoi la nouvelle cyclée. Père de Louch. Pour s'infiltrer, déjà la montée mananga. Respecter le couloir, chérie, pour battre le corps. Faire comprendre moi que je n'ai eu impérial. Que va louquer l'île, senti mes côtés si mon thème n'a commun. Mais pas soin de son site. Et au bailleur de poids, voyons en anglais. Pour Christophe, pour faire la porte d'Oka. Pour Christophe, pour faire la caméra d'Oka. Comme si tu vois, Christ Ibanga. La bango meilleur volcan et le sentiment d'amour. Interdit de penser bonjour. Passi à motona boloko. Ma bossani et l'ennemi à ma boko mayo. Mon mec s'est privé de yo. bénédiction éternelle. Colonel Rémi Ayayou. Isabelle Tombé. Tonton Matoulou Santiago. Mamie Lena, Talon Jimoy. Emile Mualem. Blaise Louis. Maman Yolande Louis. Rudy Kifouti à le QG. JP Katanga. Le champion Yaboma. Genor célèbre de Montréal.